Jacques s'en vient et puis s'en va au cœur de la nuit noire. L'embrasse les putains et puis leur fait très peur. Il embrasse les putains et puis leur fait très peur. Leur donnerait un indice, mais rien de trop évident. Tuerait les putains, ne verserait pas une larme. Tuerait les putains, ne verserait pas une larme. Avec une bague à mon doigt et un couteau dans ma main, Jacques répand la destruction aux quatre coins de ce pays. Jacques répand la destruction aux quatre coins de ce pays.